Plus jamais je n'avais vu. Quoi, tu me dis toujours le même, je n'aurais pas pour jamais. Je, tu me rejoins la même chose, jamais en tête. Pourquoi tu bêtes? Vous séchez, mèche, dans les yeux, toujours la même. Vous c'est une répète, la même, je la même, toujours le même, je dans les yeux, je, la même, le même. Le nom sans sens, le nom sans dire, le nom songe, le mordre la croissance. Le mensonge, je. Le mensonge. Rien à voir, rien à toucher, rien à vouloir, laisse-le pour les autres. Manger, vouloir rester, encore, c'est dans le corps, donner, manger, manger, encore, vouloir, encore, manger, manger, manger, encore, vouloir, encore, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger, manger,